Audiomatique. Le groupe slovène Layback nous offrait sa reprise bien particulière de la pièce Final Countdown en guise d'ouverture pour cette transmission 250 d'Audiomatique. Originalement composée par la formation Europe, Final Countdown fait partie des pièces que Layback s'est réappropriées dans un style électro-industriel, au même titre qu'il a commencé à le faire dans les années 80, notamment pour Sympathy for the Devil des Rolling Stones, Life is Life de Opus et l'album complet Let It Be des Beatles. Et il s'agissait pour Layback, qui était à l'époque emmuré du côté de l'URSS, d'utiliser des chansons de la culture populaire occidentale pour défier les autorités soviétiques et aussi se faire connaître et reconnaître en Occident. Et pour en revenir à la chanson Final Countdown que nous avons entendue, celle-ci se retrouve sur l'album intitulé NATO, paru en 1994, album qui montre qu'après la chute du mur de Berlin, Layback a poursuivi sa quête de réimaginer des œuvres musicales. La plus récente, parue cette année, prend la forme de l'album The Sound of Music, où le groupe réinterprète la bande originale de ce film, le film The Sound of Music, paru en 1965 et composé par Rodgers et Hammerstein. Audiomatique avec les sonoristes, où tout est musique et où rien ne doit être ignoré. Ce doublé musical à Audiomatique se terminait avec le groupe britannique Cilla, qui est en fait mené par la chanteuse Toni Halliday, qui a fondé Cilla en 1995 après la première dissolution de son groupe Curve. Cilla n'a jamais fait paraître d'album officiel, mais il a enregistré 12 pièces démo, desquelles est tirée la chanson Butter que l'on entendait en conclusion du dernier bloc. Et pour débuter, il s'agissait d'un autre groupe anglais, cette fois du nom de Dead Electric, de qui nous entendions la chanson Anything for the Simple Life, extraite de leur mini-album The Last Bastion, paru en 2012. Audiomatique se poursuit dans un tout autre esprit musical sur la musique du pianiste québécois Jean-Michel Blais. Thank you. Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter Silencing the World, pièce composée par la formation italienne Kirlian Camera et apparaissant sur leur avant-dernier album Black Summer Chores. Avant Kirlian Camera, nous entendions une pièce du compositeur de musique classique finlandais Jean Sibelius, à savoir la valse triste composée en 1903, ici interprétée par l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction du chef Gennady Rozdestvensky. Et en début de séquence, c'était le pianiste québécois Jean-Michel Blais avec une de ses pièces à saveur plus électro, soit Igloo, paraissant sur son plus récent album intitulé Dans ma main. À Audiomatique avec les sonoristes, c'est au tour du groupe américain Grand Duchy d'occuper l'espace audible. We'll be right back. touch you there. So I say, musica, musica, musica. Musica, musica, musica. Thank you. Great-grandmother lived on the prairie. Nothing and nothing and nothing and nothing. I got the same feeling inside of me. Nothing and nothing and nothing and nothing. À Audiomatic, nous vous avons offert à l'instant la musique de la chanteuse américaine Erica Michelle Anderson, ou si vous préférez Emma, qui nous interprétait la chanson Grey Ship de son album Past Life, Martyred Saints, lancé en 2011. Et en amorce de séquence, le duo américain Grand Duchy, formé de Black Francis du groupe de Pixies, bien sûr, et sa conjointe de l'époque, Violet Clark, nous présentait la chanson Face de leur album Let the People Speak, qui est paru en 2012. Le groupe n'a existé que le temps d'un mini-album et de deux albums studio, et le couple s'est d'ailleurs également séparé au cours de cette année. C'est sur la musique des Chemical Brothers que se conclura la transmission 250 d'Audiomatic. Nous allons entendre la pièce Catch Me, I'm Falling, tirée du nouvel album No Geography. Sachez aussi que The Chemical Brothers offre un spectacle ce samedi à Montréal dans le cadre du festival Oceaga. Pour avoir accès à d'autres séquences audiomatiques, il faudra soit attendre la transmission 251 qui sera présentée mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou, ou bien il est possible d'accéder à toutes les anciennes émissions en balado-diffusion par l'entremise de nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic. Voici donc pour terminer The Chemical Brothers et Catch Me, I'm Falling. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. So much greater when it comes to losing you.